C'est pour ça qu'au niveau subtil de l'énergie, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est psychologiquement de donner de l'importance ou pas à quelque chose, à quel point ça joue sur l'énergie. C'est sûr que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu puis qui pense que c'est le néant, après, c'est sûr qu'il perd plus d'énergie. Ben, risque de faire de l'anxiété régulièrement dans le quotidien. Ben, toute sa vie, ça doit être un trou noir. Exact. Puis quand il se couche le soir, c'est comme s'il se couchait dans de l'huile froide qui l'enveloppe. Ça doit être épouvantable. Mais ça, je veux dire, la plupart des gens ont des phases comme ça. Souvent, c'est quand ils sont enfants, puis que l'animal, le premier animal de compagnie meurt. Ils se mettent à se poser des questions. Mais là, la nuit, là, ils commencent à avoir de l'insomnie, ils se posent des questions, puis ont peur qu'il n'y ait rien. Mais oui, mais cette espèce de peur-là du vide, puis de l'inconnu. C'est certain que bon, il va y avoir un paquet de mécanismes plus tard pour compenser ça, puis mais toute l'angoisse existentielle humaine qui a abouti à des formes d'existentialisme, puis à toutes sortes d'affaires, on va se demander est-ce que la matière existe. C'est tout lié au fait qu'on donne subjectivement de l'importance, psychologiquement parlant, en tant qu'ego, à des choses parce que on est complètement sous l'emprise de vieux instincts de survie, puis des vieilles angoisses de bébé qui pleure. Puis, tu sais, au fond, la personne qui va vivre le plus longtemps, à mes yeux, c'est pas nécessairement celle qui croit ou qui croit pas en Dieu, c'est celle qui sait que c'est pas du ressort de son ego, puis qui donnera pas d'importance à ça, puis qui se dit, on verra.